Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Cave women.